Garde là-haut, garde là-haut. Les chambres, les chambres, les chambres. Ce nouvel galette savoyarde. Val d'Isère, vous êtes là? Val d'Isère, Pralognan, Méribel, Courchevel, Chamonix, Forfait, Trois-Vallées, la Cluse. Les sapins, les marmottes, la raclette, Génépi, les mouflons, tout le monde! Montagne, un cheval avec le gang, la cagoule et la troisième étoile. Qui lance des roquettes, fourré à la raqueta. Marche avec des raquettes dans la tartifletta. On lâche nos Saint-Bernard et c'est le gang bang à Mabrouk. C'est le BAZ, Fat Bazaka, Rive Bazou. Je suis l'idole des montagnes, je renvoie Beauvais à la campagne. Bayrou sur le tracteur et Camini qui les accompagne. On vient planter le bâton, y'a trop de bidons à tèche. Genre on a mis de la poudre dans les canons à neige. On sort le reblochon au petit déj. On a le bon réflexe, le Génépi dans le Nesquik et la fondue au cornflex. On étale du chamois d'or sur le corps des stripteaseurs. Je veux voir des bergers en strip se rouler dans la poudreuse. Ramène les poutards, on saura les rendre heureuses. Ou tu vas passer sous les chenilles de la dameuse. Hey, on part au boulot, on débarque dans le club et on pète le show. Chaîne en platine au pneu du 4x4. Tu connais l'histoire, bazooka superstar. On débarque dans le club et la piste est noire. Je représente, mais je te vire à coup de pompe du refuge. Je t'explique, mon kiff c'est de faire de la luge. Au fond, y'a pas de différence entre un châle et une tesse. Y'a pas de différence entre le RER et le tire-fesse. Viens voir nos quartiers, nous aussi on s'égolerie. Viens voir la grotte où on a séquestré le Yeti. Viva bazooka, on s'en fout si t'as pris ici. Je crois bien que tu vas goûter le carouche sous de mes après-ski. Même quand tu fais moins 12, on en a toujours dans le calcif. On envoie le son pour tous les massifs et tous les massifs. Hey-ho, on part au boulot, on débarque dans le club et on pète le show. Savoie jumelée avec la Sierra Madre Mexico. Vas-y MC Pimiento. Hijo de puta, de reggaeton de mierda. C'est pas du zouk ni de la